la femme de Paul. Le restaurant Grillon, ce phalanstère des canotiers, se vidait lentement. C'était devant la porte un tumulte de cris, d'appels, et les grands gaillards en maillot blanc gesticulaient avec des avirons sur l'épaule. Les femmes, en claire toilette de printemps, embarquaient avec précaution dans leur yole et, s'asseyant à la barre, disposaient leurs robes, tandis que le maître de l'établissement, un fort garçon à barbe rousse, d'une vigueur célèbre, donnait la main aux belles petites en maintenant d'aplomb les frêles embarcations. Les rameurs prenaient place à leur tour, bras nus et la poitrine bombée, posant pour la galerie, une galerie composée de bourgeois endimanchés, d'ouvriers et de soldats accoudés sur la balustrade du pont et très attentifs à ce spectacle. Les bateaux, un à un, se détachaient du ponton. Les tireurs se penchaient en avant, puis se renversaient d'un mouvement régulier. Et, sous l'impulsion des longues rames recourbées, les yoles rapides glissaient sur la rivière, s'éloignaient, diminuaient, disparaissaient enfin sous l'autre pont, celui du chemin de fer, en descendant vers la Grenouillère. Un couple seul était resté. Le jeune homme, presque imberbe encore, mince, le visage pâle, tenait par la taille sa maîtresse, une petite brune maigre, avec des allures de sauterelle. Il se regardait parfois au fond des yeux. Le patron cria « Allons, monsieur Paul, dépêchez-vous !» Ils s'approchèrent. De tous les clients de la maison, monsieur Paul était le plus aimé et le plus respecté. Il payait bien et régulièrement, tandis que les autres se faisaient longtemps tirer l'oreille, à moins qu'ils ne disparussent insolvables. Puis, il constituait pour l'établissement une sorte de réclame vivant, car son père était sénateur. Et quand un étranger demandait « Qu'est-ce donc ce petit-là qui en tient si fort pour sa donzelle ?» Quelque habitué répondait à mi-voix, d'un air important et mystérieux. « C'est Paul Baron, vous savez, le fils du sénateur. » Et l'autre, invariablement, ne pouvait s'empêcher de dire « Le pauvre diable, il n'est pas à moitié pincé. » La mère Grillon, une brave femme, entendit au commerce, appelait le jeune homme et sa compagne, ses deux tourtereaux, et semblait tout attendri par cet amour avantageux pour sa maison. Le couple s'en venait à petits pas. La yole, Madeleine, était prête. Mais, au moment de monter dedans, ils s'embrassèrent, ce qui fit rire le public, amassé sur le pont. Et M. Paul, prenant ses rames, partit aussi pour la Grenouillère. Quand ils arrivèrent, il allait être 3 heures, et le grand café flottant regorgeait de monde.